arrêté de compter nos larmes en écrivant ces mots, ces mots. Maintenant c'est moi qui vous demande de regarder vers le haut, le haut. Hey pas, je t'avais jamais écrit de choses comme ça. J'avais pas le courage, ça voulait pas sortir de moi. Mais je vois dans tes yeux noyés que tu caches tes moments de faiblesse. Je suis ton fils et je vois ces choses là et crois pas que je te laisse. Je sais que t'as du mal à voir grandir tes enfants. Je sais que quand t'as mal tu dis non, mais moi je sais que tu mens. Et je te regarde en face à mur en béton armé. J'en ai tiré des leçons qui aujourd'hui m'ont armé, m'ont aidé à éponger ces choses mortes gravées en moi. Pour ça je te donne tout ce que je sais, tout ce que je crois. C'est pas grand chose que j'ai, c'est juste des mots allongés. C'est ce que je te donne, ça vient d'où tu sais. J'ai arrêté de compter nos larmes en écrivant ces mots, ces mots. Maintenant c'est moi qui vous demande de regarder vers le haut, le haut. Papa, maman, Doma, Michael, Sandrine, quand pour nous c'est des shows. Derrière l'échec issu que vous étiez mes héros. Aimant, ça me fait drôle, je vous parle séparément. J'en ai tiré des leçons aussi, c'est plus un événement. Je me rappelle que t'as tout fait pour moi, même quand je le voyais pas. Je me rappelle de chaque larme que t'as fait couler pour moi. Je me rappelle des jours où t'en pouvais plus. Quand t'as voulu partir, je t'ai entendu. J'ai prié fort et je prie toujours. T'es toujours mis au centre. À chaque crise de tétanie, je voulais retourner dans ton ventre. Pour plus que tu me fasses le coup de plus respirer, je fais couler mon encre. Pour ça, je te donne tout ce que je sais, tout ce que je crois. C'est pas grand chose que j'ai, c'est juste des mots allongés. C'est ce que je te donne et ça vient d'où tu sais, tu sais. J'ai arrêté de compter nos larmes en écrivant ces mots, ces mots. Maintenant c'est moi qui vous demande de regarder vers le haut, le haut. Papa, maman, Doma, Michael, Sandrine, quand pour nous c'est des shows. Derrière l'échec issu que vous étiez mes héros. Et vous mes deux frangins, je sais que vous ressentez la même chose que moi. On a tous cru qu'on s'en sortirait pas, mais y'a cette force qu'on a su construire autour de tout ça. Car c'est en donnant chacun de soi qu'on fait ensemble un grand pas, et j'y crois. Depuis derrière chacun de mes mots y'a écrit pas toi. En cas de coup dur j'serai toujours là derrière toi. Et toi Sandrine, je vois que tu deviens de plus en plus sublime. Là ma petite sœur qui maintenant devient femme, j'hallucine. Moi dans ce regard je vois tes yeux qui brillent. Je te vois encore petite et fragile, et pour rien je pourrais partir en vrille. L'histoire de notre famille a eu son passage sans repère. Maintenant on peut être fier, je vous donne ma parole de grand frère. J'ai arrêté de compter nos larmes en écrivant ces mots, ces mots. Maintenant c'est moi qui vous demande de regarder vers le haut, le haut. Papa, maman, Doma, Michael, Sandrine, quand pour nous c'est des shows. Derrière l'échec issu que vous étiez mes héros. J'ai arrêté de compter nos larmes en écrivant ces mots, ces mots. Maintenant c'est moi qui vous demande de regarder vers le haut, le haut. Papa, maman, Doma, Michael, Sandrine, quand pour nous c'est des shows. Derrière l'échec issu que vous étiez mes héros.